Unité 1, leçon 2. Ouverture. Qui dit quoi? Activité 1, page 26. Vous allez entendre 10 phrases. Devinez qui les dit. 1. C'est qui le nouveau prof? 2. Pirella! 3. Il a les yeux verts, mais verts. 4. Je te déteste! Je te déteste! Tu es très méchant! 5. C'est un enfant charmant. 6. La coupe à la mode? Les cheveux courts, bouclés, blond vénitien, avec une mèche blanche. 7. J'adore le champagne. Champagne pour tout le monde! 8. C'est un gros bébé. Il pèse 4 kilos. 9. C'était le meilleur chien du monde. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. 10. Mais allez-y, monsieur, continuez. Vous vous croyez intelligent? Eh bien, vous êtes stupide.